toujours plus puissant, toujours plus grand, ce pourrait être la devise du CERN qui, depuis la seconde moitié du XXe siècle, ne cesse de repousser les limites technologiques de ses accélérateurs de particules. Depuis le synchrocyclotron de 1957, en passant par le LEP, le Large Electron Positron Collider en 1989 qui a permis de confirmer l'interaction électrofaible, puis le LHC, le Grand Collisionneur de Hadron inauguré en 2008, et l'observation du fameux boson de Higgs, la prochaine étape devrait être le FCC pour Future Circular Collider, un accélérateur de particules circulaires, donc de 100 km de diamètre. Un accélérateur dont on espère qu'il permettra de bousculer les limites du modèle standard de la physique des particules. LHC, pour quelques kilomètres de plus, c'est le problème circulaire qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, je commence par dire des bêtises, puisque c'est 100 km de circonférence et pas du tout de diamètre, ce qui n'est évidemment pas la même chose en mathématiques. Hein. On peut faire le petit calcul rapidement, mais on va évoquer donc toute cette riche histoire qui a fait de l'Europe un leader mondial en physique des particules. Nous avons pour cela le plaisir de recevoir aujourd'hui Ursula Bassler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du conseil du CERN et directrice de recherche au CNRS à l'IN2P3. Bonjour Nathalie Besson. Bonjour. Vous êtes chercheuse au département de physique des particules à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers au CEA à Saclay. Et bonjour Michel Spiro. Bonjour. Vous êtes président élu de l'Union mondiale des physiciens et ex-président du conseil du CERN. Vous pouvez suivre cette émission comme d'habitude en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur franceculture.fr, en podcast via votre application préférée et toujours en parallèle et en complément sur notre fil Twitter @laméthodefc. Alors je le disais dans l'introduction, la raison d'être du CERN, ce sont peut-être en partie ces accélérateurs de particules et depuis sa création, le Conseil européen pour la recherche nucléaire, c'était son nom initial, le CERN, brille donc par la puissance et la technologie de pointe de ces accélérateurs de particules. Écoutez donc cet archive de 1958 pour le tout premier accélérateur, le synchrocyclotron. Un nouveau succès d'une importance historique étant enregistré, le grandiose synchrotron à protons du CERN, Centre européen de recherche nucléaire, vient d'entrer en fonctionnement à Genève. C'est la plus puissante machine de ce genre existante aujourd'hui dans le monde. Dans un tel instrument, les particules accélérées, des protons, se déplacent suivant un parcours rigoureusement circulaire dans une chambre à vide ayant la forme d'un anneau, d'un tore, à l'intérieur d'un immense électroaimant circulaire d'un diamètre de 200 mètres et qui pèse quelque 3500 tonnes. Avant d'atteindre leur pleine vitesse, avoisinant celle de la lumière, les particules effectuent à l'intérieur de l'anneau un trajet de l'ordre de 300 000 km. Il a fallu procéder à un grand nombre de sondages et d'analyses du sol afin de déterminer le meilleur mode de fondation de l'accélérateur, car l'appareil en son ensemble ne doit pratiquement souffrir aucune déformation. Les protons ont à mener une ronde si impeccable, en synchronisme avec le champ magnétique, que sur ce diamètre de 200 mètres, les mouvements éventuels du sol dans le sens vertical ne doivent pas excéder 2 mm. Cette infime tolérance de déformation a nécessité l'établissement sous les fondations de 80 piliers de béton. Nous sommes dans le gigantesque allié à la minutie la plus poussée. Michel Spiro, c'est une réaction à cette archive de la radiodiffusion française de 1958 pour le premier accélérateur de particules du CERN. Bien, c'était le premier accélérateur de particules d'Europe, pratiquement. Et donc c'était le signe qu'avaient voulu les fondateurs, les visionnaires fondateurs du CERN, c'était de redonner à l'Europe une chance de rivaliser avec les deux concurrents à l'époque qui étaient les États-Unis et l'URSS. C'était relever l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale où les scientifiques avaient fui les persécutions. Ils étaient allés se réfugier aux États-Unis, certains en URSS. Et donc ces visionnaires avaient dès le départ imaginé qu'en mettant toutes les forces ensemble, y compris celles de l'Allemagne, ce qui n'était pas facile juste après la guerre, se mettre ensemble pour construire une machine. À l'époque, c'était la plus grande machine. Bien sûr, aujourd'hui, ça fait peut-être un peu sourire, mais c'était la plus grande machine. Rivaliser donc avec les deux autres concurrents. Et ces visionnaires avaient déjà planté les graines pour tout le futur. Ils considéraient que l'Europe avait vocation à s'unir autour de cet objectif, mais en liaison avec le reste de la planète. Ils avaient comme vocation de réunir pour rassembler. C'était déjà un message de science pour la paix, puisque l'Allemagne rentrait dans le jeu des nations. Depuis, on a fait rentrer l'Iran, le Pakistan, Israël, la Palestine, un tas de pays que tout oppose en général et qui viennent se rassembler au CERN. Et puis aussi déjà l'idée de faire de l'innovation. Hein, bon, ce synchrocyclotron était une innovation à l'époque, et une innovation ouverte, c'est-à-dire sans brevet, et ouverte au reste de la planète. Ce qui a été le cas par la suite. Les premiers écrans tactiles sont nés au CERN, le web est né au CERN, et a été accessible au monde entier. Et parmi ses fondateurs, Louis de Broglie, prix Nobel de physique 1929, qui est le premier à l'avoir proposé en 1929 lors d'une conférence européenne à Lausanne, je crois. Exact, c'était à la fois des scientifiques 49. Et des diplomates visionnaires. On aimerait bien en avoir aujourd'hui. Ursula Bassler, votre réaction quand vous entendez cette archive où on entend évidemment avec le ton des informations de l'époque, tout de même la prouesse technique que représente ce premier synchrocyclotron en 57. On voit quand même aussi que les défis sont toujours les mêmes, hein. C'est-à-dire de construire quelque chose de très grand, de pousser les technologies jusqu'à leurs limites. La précision au niveau sismique, c'est toujours encore un thème assez important pour les grands accélérateurs. Et je pense que le CERN, dans sa culture, a vraiment propagé et appris comment construire ces grandes machines, comment les faire fonctionner, comment faire coopérer tout le monde autour. Et ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est pas parce qu'on sait construire une Cessna qu'on sait construire un A380. Et donc c'est un peu ça aussi qu'on voit dans l'histoire du CERN, c'est-à-dire les machines ont progressivement grandi et c'est dans cette progression qu'on a vraiment acquis la compétence technique et même administrative, scientifique, pour faire fonctionner ce genre de machine extrêmement complexe. Nathalie Besson, sur cette archive aussi. Moi, je trouve ça très émouvant, d'autant que pour moi, si je ne me trompe pas, on parle bien du PS, là. Donc, il a évolué technologiquement, mais il fait partie de la chaîne d'accélération des protons qui arrivent jusqu'au LHC maintenant. Donc, c'est joli, c'est une brique dans la chaîne d'accélération. Oui, parce que du coup, c'était effectivement le premier, mais quand ces accélérateurs de particules deviennent obsolètes, ou en tout cas sont remplacés par un autre, en fait, ils ne disparaissent pas, on ne le démantèle pas, Michel Spiro, ils deviennent partie d'accélérateurs plus grands, ils intègrent effectivement comme ça une sorte de château. Oui, c'est ça. On a vu d'abord le PS de 200 mètres de diamètre. Ensuite, on a eu le SPS, super proton synchrotron, qui fait environ 7 km de circonférence. Et ensuite, on a eu le LHC aujourd'hui, qui fait 27 km de circonférence. Le LEP d'abord, enfin, qui est le même, oui, en fait. Oui, qui est le même tunnel. Voilà. Et on pense déjà à la suite, avec un tunnel peut-être de 100 km de circonférence, comme vous l'avez dit au début. Ce qu'il faut bien comprendre, Ursula Bassler, c'est que, là donc, on va reparler hein, évidemment du LHC, mais c'est que tout cela, on n'attend pas qu'un de ces équipements devienne obsolète pour lancer le suivant. Une fois qu'on commence les travaux de construction de là, on pense déjà à la génération suivante. C'est vraiment un tuilage, par exemple, quand le LEP est décidé, on réfléchit déjà à sa transformation en LHC. Oui, et vu les échéances et les échelles en temps que ça prend pour construire des tels appareils, excusez-moi, il faut bien 20 voire 30 ans pour vraiment concevoir les appareils, faire les recherches et développements nécessaires pour avoir la technologie nécessaire, et ensuite bien sûr tout le temps de construction, aussi de rassemblage des financements, bien sûr, pour construire des telles machines. Pourquoi aujourd'hui, alors le point de départ hein, de cette émission, on avait déjà d'ailleurs consacré une émission au LHC, c'était l'une des toutes premières émissions de la méthode scientifique de la première saison, dont on va vous mettre le lien sur notre fil Twitter, mais pourquoi avoir décidé aujourd'hui d'annoncer publiquement le début de la réflexion, parce qu'on est vraiment au point de départ de ce futur remplaçant, pour le coup, du LHC, que sera le FCC, en sachant qu'on parle d'une mise en service dans 20-30 ans, pas avant. Je pense que les premières réflexions autour du FCC étaient déjà il y a 10 ans à peu près. Et la dernière stratégie de la physique des particules en Europe, qui a présenté ses conclusions en 2013, avait sur ses recommandations de faire une étude de design d'une telle machine. Et en fait, cette étude de design qui a été présentée il y a quelques jours, et en fait le fruit de cette recommandation de la dernière stratégie de physique des particules, donc pour déjà voir si, dans le principe, une telle machine sera faisable techniquement, et aussi d'explorer quelles sont les opportunités pour les programmes de recherche qu'elle présenterait. Michel Spiro, ces annonces pour le FCC, c'est aussi un peu de géopolitique pour maintenir le CERN en première position, en position de leader mondial dans la physique des particules et des hautes énergies. Oui, c'est à la fois la nécessité de développer un nouveau projet à long terme qui réunisse toute la planète et sur lequel on espère que tout le monde se mettra d'accord. Il faut bien voir que le tunnel de 27 km qui actuellement tourne a été conçu dans les années 80 et il va tourner jusqu'à 2035. Et donc, si on veut répéter à une échelle plus grande une telle aventure, il faut commencer à planter les jalons maintenant pour pouvoir tourner jusqu'en 2085 à peu près, si on prend les mêmes échelles de temps. Et l'idée, bien sûr, c'est de capitaliser, comme on l'a dit, sur les machines précédentes, qui sont de plus en plus grandes, mais qui servent d'injecteurs successifs dans la machine finale, et de maintenir le CERN comme une réalisation européenne, mais ouverte au monde entier, puisque la planète entière travaille sur le CERN, et la planète entière sera sollicitée pour construire à la fois la machine et les détecteurs du prochain accélérateur. Et pour analyser les quantités astronomiques de données qui vont être produites, vous allez voir, les chiffres sont assez impressionnants. Ursula Bessler, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, parce qu'effectivement, cette étude de design, elle arrive aussi maintenant, parce que nous sommes au départ d'une nouvelle stratégie européenne pour la physique des particules, qui a débuté à l'automne 2018, et qui va rendre ses conclusions en 2020. Et donc pendant cette année-là, on va discuter de tous les différents projets possibles au CERN et aussi la participation européenne dans des projets dans d'autres régions du monde afin de définir des priorités pour l'Europe. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important et pour lequel il faut effectivement que tous les études soient sur la table comme entrée à la réflexion. Ouais. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10 sur France Culture, nous parlons du CERN et de ses accélérateurs de particules, ceux qui sont en fonctionnement en ce moment et ceux qui vont leur succéder, en l'occurrence le LHC, même si le LHC, vous allez l'entendre dans quelques instants, est en pause en ce moment pour quelques mois, et son successeur, le futur FCC. Nous en parlons avec Ursula Bessler, Nathalie Besson et Michel Spiro. Alors, peut-être avant de parler de ce futur FCC, c'est intéressant d'établir une sorte de bilan de ce LHC, du grand collisionneur de Hadron, qui a fêté ses 10 ans dernier, alors qu'il fête en ce moment ses 10 ans puisque les premières collisions de particules ont eu lieu le 7 novembre 2009. Peut-être un mot, Nathalie Besson, ce LHC a fait beaucoup parler de lui parce qu'il a permis de compléter par l'observation le modèle standard de la physique des particules en observant le boson de Higgs, mais ce LHC, il est encore très très loin d'être caduque dans l'état actuel des choses. Absolument. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la façon dont on aborde la physique aujourd'hui qui est un petit peu particulière. C'est-à-dire que on a un modèle qui marche très bien, qui est maintenant complet, qui est le modèle standard, dont on sait qu'il n'est pas la fin de l'histoire. Il nous manque des choses, par exemple la matière noire, dont tout le monde a plus ou moins entendu parler. Donc on sait que c'est pas la fin de l'histoire. Alors maintenant, comment on aborde les choses? Comment on essaye d'aller au-delà? On n'a aucun guide théorique pour l'instant, qui nous disent dans quelle direction il faut chercher. Jusqu'à maintenant, ces 50 ou 60 dernières années, on cherchait des choses qui étaient prédites par des modèles, en particulier par le modèle standard. Le boson de Higgs, mais aussi le quark top découvert en 95, dont qu'on attendait bien sûr. Là, on n'a pas tellement de guide, alors il y a plusieurs façons de faire. Soit on cherche tous azimuts, et là le LHC, qui est la machine à la plus haute énergie qui existe en ce moment, est évidemment très utile. Donc on cherche tous azimuts des choses pas prédites par le modèle standard. Et la deuxième façon de faire, c'est ce qu'on appelle des mesures de précision, c'est-à-dire faire des mesures les plus précises possibles pour les confronter aux prédictions théoriques les plus précises possibles, ça c'est le rôle des théoriciens, et puis voir où est-ce que le modèle standard craque, et donc nous donner des indications de où est la nouvelle physique potentielle. Et là le LHC, il fait des choses brillantes, en particulier, moi ma partie c'est plutôt les mesures de précision. Par exemple, des processus de physique, il y en a des dizaines prédites par le modèle standard sur des décades d'ordre de grandeur de taux de production, on va dire, de probabilité d'occurrence de ces, on appelle ça une section efficace. Je voulais pas dire le gros mot, ça y est. Allons-y. Allez-y, du moment que vous nous expliquez ce que voilà, c'est, donc c'est la probabilité d'occurrence d'un processus ou d'un autre. Et on en a étudié des dizaines sur des dizaines d'ordres de grandeur. Tout ça colle magistralement avec le modèle standard. Donc pour l'instant, pas de signe de nouvelle physique. Mais le LHC permet ça. Donc il permet non seulement l'exploration. Et cette machine proton-proton, elle a été aussi fabriqué pour ça, pour l'exploration, mais aussi la mesure de précision. Et par exemple, le boson de Higgs, donc, qui a été découvert, Au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on disait un boson compatible avec le boson de Higgs prédit par le modèle standard. Maintenant, on ne dit plus ça du tout. On dit le boson de Higgs du modèle standard. Pourquoi ? Parce qu'on a mesuré ses caractéristiques. Il colle. En particulier, on a mesuré ses couplages aux particules les plus lourdes du modèle. Ça colle avec les prédictions théoriques. Donc, il y a énormément de très jolies mesures de précision qui ont été faites. Et puis là, je parle pour Atlas et CMS. Qui sont deux des détecteurs installés sur le LHC. Mais il y a d'autres belles physiques et qui sont des détecteurs dont on dit qu'ils sont généralistes, c'est-à-dire qu'ils couvrent un vaste panel de sujets de physique des particules. Mais il y a aussi comme détecteur le LHCb qui, lui, est focalisé sur la physique du B. Le B, c'est un des quarks, le quark bottom ou beau, je préfère, s'il vous plaît. Mais, et qui, lui, nous permet d'étudier les petites différences qu'il y a entre la matière et l'antimatière, qui pourrait expliquer pourquoi on vit dans un univers de matière et pas d'antimatière. Ça fait partie des problèmes encore à résoudre. Voilà, c'est une question ouverte. Et l'autre, là j'ai parlé de quoi ? LHCb, l'autre manip, c'est Alice, qui elle est focalisée plutôt sur l'étude de ce qu'on appelle le plasma quark et gluon, c'est-à-dire un état de la matière qui devait être celui dans un état très, très tôt dans l'histoire de l'univers. C'est-à-dire juste après le Big Bang, très tôt dans l'histoire de l'univers. Ouais. un mot peut-être, Ursula Bassler, pour bien comprendre que on passe d'une génération à l'autre, si on augmente en puissance ces accélérateurs de particules, et on va voir que tous les accélérateurs de particules ne sont pas juste une augmentation du même type d'accélérateur, qu'il y a différents types d'accélérateurs qui nous permettent de tester différentes choses, c'est parce que plus on augmente en énergie, plus on peut arriver justement à voir de manière extrêmement fine, extrêmement précise, et voir exactement dans la précision, comme vient de le dire Nathalie Besson, à quel endroit tant de chiffres après la virgule, on peut d'un seul coup déceler un petit grain de sable dans ce modèle standard. Ça c'est une chose au niveau de la précision, mais bien sûr, si vous augmentez en énergie, l'idée principale c'est E égale mc2, c'est-à-dire vous avez plus d'énergie qui peut potentiellement se transformer en matière, et donc vous pouvez créer des particules avec des masses beaucoup plus élevées que ce qu'on observe dans la vie courante. Et ces particules avec une masse très très élevé, ça peut être des messagers, des constituants d'une physique qu'on ne connaît pas encore et qu'on bien sûr cherche à explorer pour trouver les explications à ces questions fondamentales que Nathalie a commencé à évoquer. Peut-être, Michel Spiro, peut-on rappeler à nos auditeurs comment ça fonctionne un accélérateur de particules ? C'est la tâche qui vous incombe. Les accélérateurs circulaires fonctionnent de la manière suivante. Les aimants sont destinés à maintenir les protons sur la trajectoire de l'anneau qui parcourt les 27 km de circonférence dans le cas du LHC. Parce que quand on projette une particule à grande vitesse, elle va tout droit. Elle va tout droit. Donc les aimants, les courbes, et on a juste l'intensité du champ magnétique dans l'aimant pour qu'il reste sur toujours sur la même trajectoire et qu'il circule dans un petit anneau qui fait quelques centimètres de diamètre, mais qui fait 27 km de circonférence. Maintenant, ça suffit pas parce qu'il faut les accélérer. Et donc pour les accélérer, on met des cavités qui permettent de mettre des champs électriques. C'est les champs électriques qui accélèrent les particules. Et à chaque tour, il y a un certain nombre de cavités qui donnent une petite pichenette pour les accélérer. Et on peut les accélérer comme ça indéfiniment puisqu'ils tournent, ils tournent. Mais à un moment, le champ magnétique n'arrive plus à les maintenir sur leur trajectoire. Et donc là, on les laisse à cette énergie maximum qui est donnée à la fois par la taille de l'accélérateur, mais aussi par la puissance de l'aimant que la technologie permet en ce moment. C'est l'énergie nominale. Voilà, c'est l'énergie nominale. Donc le LHC était prévu dans 27 km de circonférence, on ne pouvait pas y toucher. Et avec des aimants qui devaient monter jusqu'à un certain champ magnétique, on a eu du mal au début, vraiment du mal, hein, pour les faire monter au champ magnétique nominal. Et donc on a démarré avec une énergie deux fois plus petite parce qu'on atteignait des champs magnétiques deux fois plus petits que ce qu'on voulait. On peut donner des chiffres, c'est pour donner des ordres de grandeur, c'est 7 téraélectronvolts. Oui, c'est ça, pour la première campagne de collision du LHC. C'est ça. Ça veut dire que les champs magnétiques tournés étaient deux fois moins intenses que ce qui était prévu nominalement. C'est des aimants qui sont faits avec un nouveau matériau qui s'appelle le nobiométhane, qui a fallu développer au niveau industriel. Et bon, c'est normal qu'en développant des nouveaux aimants, on a des problèmes au début. Et donc pendant 3 ans, le LHC a fonctionné à la moitié de l'énergie nominale. C'était suffisant pour produire le boson de Higgs. Depuis 2015, il tourne à l'énergie nominale, c'est-à-dire que les champs magnétiques sont au champ nominal. Et donc maintenant, on a une énergie de 14 TeV téraélectronvolts, ce qui a permis de voir justement s'il n'y avait pas des nouvelles particules. Malheureusement, on n'en a pas trouvé de nouvelles. Pour le moment. Pour le moment, mais peut-être. Il ne faut pas désespérer. Voilà. Mais par contre, on a quand même monté l'intensité aussi des faisceaux, et donc on fait des mesures de plus en plus précises, et c'est très important aussi. Nathalie Besson. Oui, non, je voulais juste préciser pour les auditeurs, il y a deux énergies qui rentrent en compte. Là, vous ne parliez pas de la même. C'est-à-dire que l'énergie de la collision, c'est la somme des énergies des deux protons. Donc 14 TeV et 7 TeV, c'était des énergies de collision. D'accord ? Là, en ce moment, les protons, ils ont chacun une énergie de 7 TeV, et donc ça fait une énergie de 14 TeV dans la collision. Voilà. Puisqu'en fait, ils partent dans les deux sens. Oui. Exactement, et ils se rentrent dedans. Voilà, ouais. C'est ça. Il y a deux tuyaux. Il y en a un qui part dans le sens des aiguilles d'une montre, l'autre dans l'autre, et puis à un moment donné, ils se rencontrent. Quelque chose d'intéressant peut-être aussi à rappeler, Nathalie Besson, c'est que le LHC, c'est le grand collisionneur de Hadron. Il a pris la suite du LEP, qui c'était pas les mêmes particules qu'on envoyait. On peut faire deux types de collisions de particules avec des buts différents, avec des résultats différents, avec des niveaux d'énergie différents aussi. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler ça en quelques mots ? Oui, alors, en physique des particules, il y a des particules qu'on appelle des leptons, ça vient du grec, et c'est des légères, et qui sont ponctuelles, qui sont des particules élémentaires, et puis il y a des hadrons, ça vient du grec aussi, et là ça veut dire lourd, et elles ne sont pas ponctuelles. Et c'est là toute la différence, c'est-à-dire que quand des particules ponctuelles rentrent en collision, on peut faire un bilan d'énergie exact de ce qui se passe dans la collision, parce qu'on sait exactement ce qui est rentré en collision avec quoi. Quand un proton rencontre un autre proton, il faut voir un proton comme un objet composite. C'est plein de quarks, de gluons, c'est une espèce de purée de matière. Et à ces énergies-là, aux énergies du LHC, ce qui va rentrer en collision effectivement, ça va être un élément du premier proton contre un élément du deuxième proton. Donc évidemment, comme chaque élément de chaque proton emmène une petite fraction de l'énergie, on va pas savoir à quelle énergie les éléments, les constitutifs des protons vont se collisionner. Donc on va pas pouvoir faire le même type de bilan d'énergie. En revanche, les particules, quand elles tournent, et là c'est le cas dans un collisionneur circulaire, perdent de l'énergie par ce qu'on appelle du rayonnement synchrotron. Et ça, c'est une des limitations. En particulier, quand on était au LEP, on était arrivé à un niveau d'énergie où tout ce qu'on injectait dans la machine était perdu en rayonnement. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas accélérer plus les électrons. Tout ce qu'on injectait était perdu en rayonnement. Parce que les électrons sont des leptons. Hein, Les électrons sont des légers. Voilà. Qui est l'antiparticule de l'électron. Et donc, si on voulait monter en énergie avec une machine qui était dans le même tunnel, il fallait passer à des particules plus lourdes. En l'occurrence, le rayonnement synchrotron va comme 1 sur la masse à la puissance 4. Il y a un facteur 2000 entre la masse du proton et de l'électron. Donc, on a un gain de 2000 à la puissance 4. Ou plutôt, une non-perte en 2000 à la puissance 4 par rapport au rayonnement synchrotron. Donc, en passant au proton, on a gagné énormément de choses. On a pu monter en énergie, du coup, puisque moins de pertes par rayonnement synchrotron, beaucoup moins de pertes par rayonnement synchrotron. On a gagné en énergie de collision, puisque les protons, non seulement ils sont accélérés, mais ils ont leur énergie propre, de masse, 2000 fois plus que les électrons. Et puis, on a gagné aussi en range de choses d'énergie au cours de la collision, puisqu'à chaque fois, c'est une fraction d'énergie d'un proton contre une fraction d'énergie de l'autre proton qui rentre en collision. Donc, on balaye plusieurs énergies au cours des différentes collisions proton-proton, alors qu'au LEP, c'était à l'énergie nominale de l'électron. Michel Spiro, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste rappeler, historiquement, c'est dans les années... Le tunnel de 27 km a été fini d'être creusé vers la fin des années 80, 89 à peu près. Il a été creusé pour le LEP. Hein, oui, donc c'est ça. Donc au début, on a accéléré des électrons et des positrons qui ont tourné en sens inverse les uns des autres. Et on a fait des collisions électrons-positrons, donc particules légères, ponctuelles, qui permettait pas d'aller à très haute énergie, mais qui permettait d'étudier avec précision le modèle standard, la théorie qu'on avait. C'est là où vraiment cette théorie a émergé comme la théorie qui semblait marcher parfaitement et qui, pour laquelle on avait une particule manquante à la fin du LEP, donc en 2000. Alors j'ai lu qu'il paraît qu'on suspectait au LEP d'avoir... J'arrive à ça. Donc en 2000, le modèle standard fonctionnait formidablement et il prédisait, donc il n'y avait qu'une seule particule qui manquait, c'était le boson de Higgs. Par des processus, par les mesures de précision qui étaient très grandes, on pouvait déjà cerner la masse du boson de Higgs. Et donc c'était déjà quand même une motivation très forte pour passer au proton pour le découvrir. Parce que l'énergie n'était pas encore suffisante. Mais on a même cru en l'an 2000 qu'avec l'énergie maximum qu'on pouvait atteindre avec le LEP, cette machine électron-positron, on avait peut-être des indications très vagues d'une découverte éventuelle du boson de Higgs. Il y avait trop d'imprécisions. Moi, à l'époque, j'étais d'ailleurs très connecté à ça parce que je présidais le conseil scientifique du LEP et les indications qui étaient poussées par les physiciens ne me paraissaient pas suffisamment convaincantes pour retarder le LHC et risquer pendant des années de patauger. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et donc, avec le directeur général, moi, j'ai conseillé d'arrêter la machine. Je me suis fait des ennemis à ce moment-là. Et on est passé au LHC qui a découvert le boson de Higgs, justement, un tout petit peu plus, à une énergie un tout petit peu plus grande que ce que pouvait atteindre le LEP, qui ne l'avait pas réellement découvert. Ursula Bessler. Peut-être juste pour être vraiment très clair, donc le LEP et le LHC, c'est deux machines distinctes. C'est-à-dire, on a sorti le LEP du tunnel pour y installer le LHC. Et si on parle aujourd'hui du FCC, c'est la même idée. C'est-à-dire, c'est en fait deux accélérateurs ou un ensemble d'accélérateurs. L'idée, c'est d'abord d'installer une machine électron-positron, de la sortir ou en parallèle de construire une autre machine de proton-proton. C'est donc un accélérateur de leptons. Exactement, voilà. Oui. Comme le LEP. Mais c'est vraiment plusieurs machines, en fait, quoi, dont on parle. Et puis, il va falloir creuser le tunnel. Ça aussi, on va en reparler dans quelques minutes. Mais pour bien comprendre aussi l'ampleur du défi de physique appliquée, de l'ampleur du défi technologique que constituent ces améliorations, ces upgrades, hein, puisque en ce moment, on le rappelle, le LHC est en pause pour plusieurs mois pour gagner encore un peu en énergie pour le redémarrer, je parle sous votre contrôle, en 2020. Bon, voilà. Eh bien, nous sommes allés voir comment tout ça se passe. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous allez nous expliquer exactement comment se passe l'amélioration de ce type d'accélérateur de particules. Oui, précisément, je me suis rendu au CEA à Saclay, dans l'un des ateliers où sont conçus les aimants utilisés pour accélérer les particules. Et c'est au laboratoire d'études des aimants supraconducteurs, le LEAS, que sont fabriqués ces prototypes des dipôles et quadrupôles qui intégreront le futur accélérateur de particules du CERN. Hélène Félis est chef de laboratoire adjointe au LEAS. Elle nous explique comment ces aimants qui seront soumis à des forces dantesques sont conçus et testés. Elle nous explique aussi pourquoi ils auront une capacité de conduction des faisceaux décuplés. Un aimant qu'on appelle dipôle, c'est un aimant qui va nous servir dans la machine à courber le faisceau de particules. Puisqu'en fait, l'énergie de la machine, elle est directement proportionnelle au champ de ce dipôle, au champ magnétique produit par ce dipôle, et au rayon de la machine. Et les quadrupôles, ils vont nous permettre de focaliser le faisceau de particules du fait, en fait, de la distribution du champ dans l'ouverture de l'aimant. Donc, en fait, la mission globale de notre laboratoire, c'est de développer des aimants supraconducteurs, mais pour plein d'autres applications, pas seulement les accélérateurs de particules, également pour le médical. Et en ce qui concerne les aimants d'accélérateurs, en fait, notre objectif, c'est de vraiment développer les aimants du futur en utilisant les matériaux qui sont à notre disposition. Et donc, en fait, on a plusieurs types de matériaux selon les niveaux de champ qu'on souhaite atteindre. Donc on a pour à peu près 8 à 10 tesla ce qu'on appelle le niobium titane, qui est un alliage. Donc pour vous donner une idée, 8 à 10 tesla, c'est 3 fois les champs d'IRM, des IRM dans les hôpitaux. Pour des champs plus forts, par exemple 16 tesla, on a le niobium 3 éteint, qui est un composé intermétallique. Et donc c'est celui-ci en particulier qui est étudié pour FCC, pour travailler sur sa mise en œuvre et son incorporation dans la machine. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un petit peu la visite de cet endroit et que vous m'expliquiez un petit peu comment, de A à Z, on développe ces futurs aimants pour le LHC ? Alors, déjà là, on est à l'entrée du bâtiment. Donc là, vous avez en face de vous différents types de maquettes. Vous pouvez voir, en fait, une coupe d'un aimant qui est actuellement dans la machine, dans le LHC, puisqu'en fait, le CEA Saclay a été en charge du développement et du suivi de fabrication de tous les quadripôles qui sont dans la machine. Et donc là, en fait, vous avez une section. Donc vous pouvez voir les bobinages avec ces conducteurs rectangulaires, l'ouverture autour duquel le conducteur est bobiné, la structure mécanique, donc qui retient les efforts mécaniques, et la culasse magnétique, en fait, qui permet de renforcer le champ et de blinder l'aimant. Et donc là, en face de vous, vous avez le dipôle démonstrateur pour... un poster, en tout cas, du dipôle démonstrateur qu'on appelle, chez nous, F2D2. Et donc, on travaille sur un design qu'on appelle bloc, parce que, en fait, les bobines sont bobinées en forme de bloc et non pas en forme d'arc, comme les quadrupôles et les dipôles actuels. Alors, pour qu'on comprenne bien un petit peu juste la position de ces aimants dans l'accélérateur de particules, où est-ce qu'ils se trouvent exactement et quel va être leur rôle à cet endroit-là? Dans l'accélérateur, il y a des cellules formées de quadrupôles et de dipôles. Ils permettent de focaliser le faisceau de particules ou de le courber. Et donc, dans FCC, il y aura à peu près 5000 dipôles autour de l'arc qui fera 100 km. Donc c'est des aimants qui vont être aussi assez longs, c'est une des difficultés qu'on aura à résoudre, et qui sont comme ça placés séquentiellement dans la machine. Et pour les quadrupôles ? Et pour les quadrupôles, en fait ils sont placés en alternance autour de ce qu'on appelle une cellule. Donc là ce dipôle, comme je vous en ai dit, c'est du niobium éteint. Là maintenant on arrive vers une nouvelle génération de conducteurs encore qui s'appelle les HTS. Alors HTS en réalité ça veut dire High Temperature Superconductors, donc on a l'impression qu'on peut les utiliser à plus haute température, donc à température de l'azote liquide, donc 77K, ce qui est vrai. Mais nous on les utilise en tant que High Field Superconductor, donc superconducteur à haut champ, puisqu'en fait on va les utiliser à la température de l'hélium liquide, comme le niobium 3 éteint, comme le niobium titane, de manière à pouvoir en tirer le maximum de champs magnétiques, puisque eux ils nous permettent d'atteindre des champs de 20 Tesla. Comment est-ce que finalement on s'assure que ces aimants-là sont plus conducteurs, plus puissants, entre guillemets, que ceux qui sont déjà installés dans le LHC? Avec quel type de simulation numérique en amont? Et ensuite, à quel test on les soumet? Les simulations numériques, elles sont de plusieurs ordres, parce que c'est des matériaux qui sont quand même très complexes. Donc j'ai par exemple revenir sur le niobium 3 éteint, qui a la particularité d'être sensible à la contrainte mécanique. Donc dans ces aimants, ce qui est très difficile, c'est qu'on fait circuler de forts courants électriques, donc on parle de 10 000 ampères. On produit donc de forts champs, ce qui produit des forces dites de Laplace, qui sont très grandes. Donc on parle de plusieurs centaines de tonnes par mètre d'aimant à retenir. Et donc les contraintes mécaniques qui se développent dans ces bobinages sont très grandes. Et pour le niobium 3 éteint, comme il est sensible, si on lui applique trop de contraintes mécaniques, il va perdre sa capacité à transporter du courant. Donc il y a des études, je dirais, au niveau du conducteur qui se font, des modélisations. Donc ça se fait également ici. Et donc là, on essaye d'aller de la partie la plus petite du conducteur, qui est en fait le sous-élément qui est dans le brin. Ensuite, le brin forme le câble. Et là, on essaye de comprendre comment la mécanique se joue. Et ensuite, on a des modélisations, je dirais, macroscopiques de ces aimants, mécaniques et magnétiques, et thermiques également, qui nous permettent donc de calculer bien sûr le champ magnétique, mais également les forces, et de pouvoir préparer les assemblages de ces aimants et d'avoir des cibles d'assemblage en termes de contraintes, en termes des efforts que l'on veut retenir. Alors les attentes du CERN, elles sont assez importantes en termes de multiplication de la puissance des collisions qui vont être réalisées par le futur accélérateur. Vous, quels sont les principaux défis que vous devez relever là-dedans et qu'est-ce qui vous semble vraiment l'obstacle majeur, la contrainte en tout cas la plus importante? Ce qui va être difficile, c'est de rendre ces aimants les plus compacts possibles, puisqu'en fait, on a un grand nombre d'aimants dans la machine. Le coût du conducteur est très important. Par conséquent, l'objectif, c'est de réduire en fait la section de conducteur utile pour rendre ces aimants les plus efficaces. Donc du coup, les choix technologiques qui sont faits dans ce sens-là. Et par conséquent, nous posent des problématiques nouvelles, puisque ça n'a jamais été fait. Par exemple, dans le cas du niobium 3 éteint de ces aimants, on va essayer d'utiliser deux types de conducteurs, toujours du niobium 3 éteint, mais de dimensions et de caractéristiques différentes, dans une même section de bobine, pour être capable de minimiser le volume de bobine. Et donc ça veut dire qu'on va devoir joindre ces deux types de conducteurs. Donc en fait, ces jonctions qu'il va falloir faire à différentes étapes de la réalisation sont un enjeu technologique majeur. Et donc on travaille vraiment conjointement avec le CERN, mais aussi avec l'École Polytechnique de Lausanne, qui a des manips dédiées à ce genre de jonctions. L'autre chose, c'est bien sûr arriver à appliquer une contrainte mécanique fiable et sûre. Donc pour ça, on se base sur une structure mécanique qui existe déjà et qui a en fait été développée en grande partie dans le cadre de HLLHC, où les premiers aimants en niobium éteint vont être installés dans la machine au niveau des points de collision, juste avant. Ce sont les derniers quadrupôles de focalisation. Mais ils utilisent une structure mécanique qui s'appelle Blader & Keys et qui permet d'appliquer graduellement la précontrainte sur le niobium 3 éteint et de contrôler cette précontrainte pour ne pas l'endommager. Donc je dirais que le challenge principal, c'est vraiment la fabrication de ces bobines et assurer que le niobium éteint reste préservé pendant tout son cycle de fabrication. Voilà le reportage du jour sur ces travaux sur les aimants pour améliorer le LHC, le grand quotidien de Radon, qui est actuellement en pause justement pour être upgradé, comme on dit en anglais, pour être amélioré. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Ursula Bassler? Actuellement, l'arrêt du LHC, c'est surtout pour permettre aux expériences d'être remises à jour et améliorées, notamment les expériences, disons, non généralistes comme LHCB, Alice, hein, qui ont des programmes importants de jouvence de leurs détecteurs. Aussi parce que les radiations qu'ils ont reçues les dernières 10 ans du LHC font que certains éléments doivent absolument être échangés. Après cet arrêt donc de 2 ans, le LHC va redémarrer en 2021 pour quelques années avant d'entamer cette phase de haute luminosité où des aimants, des quadrupôles vont permettre de focaliser le faisceau beaucoup plus fortement et donc d'atteindre un taux de collision beaucoup plus élevé que ce qu'il y a maintenant. Michel Spiro? Oui, j'ai trouvé le reportage remarquable. Il montre bien qu'il n'y a pas simplement une augmentation de la circonférence des anneaux qui est importante. Il y a aussi une augmentation de l'intensité des champs magnétiques. Et on voit bien qu'on est passé du niobium titane au début du LHC à des essais de niobium éthane maintenant. Et que pour le FCC, on pense non seulement au niobium éthane, mais aux aimants à haute température critique qui, eux, peuvent avoir des retombées sociétales considérables. Parce que si on arrive à avoir la supraconductivité à des températures proches de la température ambiante, oui, ça peut servir comme des lignes de transport de l'électricité à très, très longue distance. Il faut rappeler, Nathalie Besson, que le LHC, tout ça est refroidi à température très très basse, proche du zéro absolu pour pouvoir tenir ces expériences. À 1,8 ou 9, je ne sais Kelvin. Plus, degré Kelvin, ouais. Donc du zéro absolu. Voilà. Ceux qui ont fait le plus gros frigo du monde, n'est-ce pas? Parce que je crois que cette température, si je me souviens bien, cette température extrême concerne 40 000 tonnes de matériel. C'est joli. Mais tout de suite à 16h36, comme tous les mercredis, ça va être l'heure de retrouver la recherche montre en main. Voilà, chaque semaine, un étudiant ou une étudiante vient nous présenter ses travaux de recherche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Giulienio Giacalone, pardon, bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes doctorant à l'Université Paris-Saclay, vous travaillez à l'Institut de physique théorique du CEA sur la physique des ions lourds au grand collimateur de Hadron. Bienvenue à la recherche montre en main, c'est à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc la physique ion lourd, ça sonne un peu bizarre peut-être, mais c'est effectivement un programme de recherche au LHC, comme j'ai indiqué avant. C'est un programme qui est en cours, qui est important, et qui est, il y a aussi une expérience, l'expérience Alice, qui regroupe environ un millier d'expérimentateurs, qui est entièrement dédié à la physique des ions lourdes. Et aussi les accélérateurs du futur, comme l'FCC, s'il y aura une, ils auront leur programme de ions lourds aussi. Donc, qu'est-ce que signifie faire la physique des ions lourds? Ça signifie qu'à la place d'accélérer des protons, donc des particules plus simples, on va injecter dans l'accélérateur, donc accélérer des noyaux d'atomes lourds. Donc, un noyau lourd, c'est un objet qui est un peu plus grand qu'un proton, mais qui contient, c'est une collection très dense et très compacte, d'un grand numéro de protons et des neutrons aussi, mais pour nous, protons et neutrons, c'est la même chose. Et donc, ils peuvent contenir des centaines de protons. Et donc, on peut faire en physique un peu différent ici, parce que dans la physique des protons-protons, ce qu'on comprend très bien, comme était indiqué par Mme Besson, c'est qu'on a une image d'un proton qui est constitué de particules fondamentales, qui sont les quarks gluons. Donc, l'interaction entre un proton et un autre proton, ça se passe à travers des interactions fondamentales de quarks et des gluons. Donc, ça, on sait faire très bien, théoriquement. On peut faire effectivement la physique de précision. On peut décrire vraiment les observables à travers un grand range de ordre de magnitude d'énergie avec une précision impressionnante. Même dans la physique de l'écollision noyau-noyau, c'est un peu plus compliqué, beaucoup plus complexe. Donc on va perdre un petit peu la magie, la physique des particules, donc de la physique de précision, de ce genre de choses. On peut toujours avoir assez grâce à ces énormes quantités de protons, de quarks, de qui sont qui prennent part à la collision, à des phénomènes nouveaux, spectaculaires. C'est ça que j'ai tout. Donc, comme un système qui est constitué d'une densité énorme d'interactions, de particules, c'est impossible, impensable, de comprendre et de décrire la dynamique individuelle des collisions entre quarks et gluons après que deux noyaux ont après l'interaction des deux noyaux. Donc ce que nous pouvons faire, ce qui est cette chose, si vous voulez, ça peut vous rappeler de l'histoire de la physique statistique, par exemple. Donc, on n'arrive pas à décrire la dynamique individuelle des constituants de notre système. La chose que l'on peut faire, c'est créer une théorie effective qui nous permet de suivre l'évolution du système à l'aide des concepts de la physique macroscopique. Donc, on va parler de température, de pression et de ce genre de choses qu'on utilise pour décrire, je ne sais pas, les fluides ou la physique macroscopique. Mais dans ce système, donc ça, c'est vraiment étonnant. C'est ce que m'a toujours très fasciné de la physique des ions lourds. Donc, que, ici, on ne parle pas de la bouteille d'eau, d'un verre d'eau, mais c'est un système qui est de la taille d'un noyau atomique. Donc, c'est ici, on a c'est un système de quelques centimètres. Mais le noyau atomique, c'est quelques centimètres pour 10 puissance moins 12. Et on va toujours décrire de la même façon, parce que c'est un système qui est aussi dense, aussi chaud, qu'on arrive effectivement à faire ça. Donc on peut parler d'un système noyau-noyau en parlant de température, des questions d'état, des pressions. Et donc on a défini une image de système, c'est un milieu hydrodynamique, qu'on appelle le plasma des quarks et gluons. Donc c'est vraiment le but de la physique des ions lourds, donc l'expérience ALICE au CERN, mais aussi il y a des manips plus petits, aussi CMS, ATLAS, qui font ce genre de physique, mais aussi un peu moins, c'est moins important pour eux. Mais donc le but, c'est de reproduire le plasma des quarks et gluons dans le laboratoire et de le caractériser, les propriétés physiques. Donc on sait, il y aura une équation d'état, donc la façon de faire le lien entre l'énergie et la pression entre ces milieux. Puis on sait qu'il ne s'agit pas d'un fluide parfait, mais donc il a une certaine viscosité. On peut donc étudier comment l'énergie se propage à l'intérieur de ce milieu, ce qui est très important pour la phénoménologie aussi. Donc ça, c'est le bout de la physique des ions lourds. Donc c'est une très jolie histoire, je pense que c'est très intéressant, mais est-ce que ça marche en pratique? Bah oui, bien sûr, c'est ça, c'est mon travail, c'est ce qu'on fait à l'IPHT, au CERN Saclay. Donc ce qu'on a, ce sont des modèle théorique, c'est un modèle théorique hydrodynamique. Donc ce qu'on fait, c'est de notre connaissance qu'on a eu, de données de l'expérience, ce qu'on sait sur la fluide dynamique, on fait des simulations de procédés de collision, processus de collision, et on va chercher de reproduire ce qui se passe dans les expériences de LHC. Et après, on prend les données d'Alice, des expériences, et on voit s'il y a une compatibilité entre notre modèle hydrodynamique de coagulant plasma et ce qu'il observe au niveau des particules détectées dans leur machine. Donc, c'est pas la physique, je veux dire, encore, c'est pas la physique précision, mais c'est une physique très très complexe qui comprend beaucoup beaucoup d'aspects différents de la physique des autres énergies, d'autres aspects de la physique. Ça marche très bien. On arrive à produire une description quantitative des données. Et donc, Un mot pour conclure, Giuliano. Pour conclure, allez-y. Je voulais juste me relier à ce que Mme Besson a dit, que c'est important aussi, c'est gentil tout, parce qu'en faisant ça, on peut regarder dans l'état primordial de l'univers, donc comprenant comment ce système refroidi est dans un état de quark-gluon, il va produire les protons qu'on voit aujourd'hui autour de nous. On peut faire ça, donc en comprenant le quark-gluon plasma, on va comprendre comment ça s'est passé dans l'histoire de l'univers. Merci beaucoup Giuliano Giacalone pour nous avoir présenté vos travaux. Peut-être un mot justement Nathalie Besson sur effectivement ces autres expériences qu'on n'a pas évoquées encore, notamment avec des noyaux de plomb, je pense, qui sont effectués à l'HC. Alors là, je ne suis pas spécialiste, mais et puis en plus, notre camarade Thésard a déjà bien expliqué les choses, mais un mois par an, on fait des collisions effectivement d'ions lourds. Donc, et là, cette fois-ci, ce qui va compter effectivement, c'est la densité d'énergie. Alors, Je peux faire la maîtresse d'école sur ce qui se passe au LHC. En fait, je me suis rendu compte que beaucoup de gens, quand on parle de faisceaux de protons, ont l'impression que c'est continu, ou de faisceaux d'ions lourds. Il faut bien comprendre qu'au LHC, c'est des paquets de particules qui, chacun dans chacun des anneaux, hein, il y en a deux, un qui va dans le sens des aiguilles d'une montre et un qui va dans le sens inverse, c'est des paquets qui voyagent à la queue leu-leu. Et pour toutes faire les 50 nanosecondes à peu près, 25 ouais. Aujourd'hui. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand les collisions les collisions qui ont lieu au cœur des machines au LHC, c'est des collisions de paquets de particules. Et donc, ce qui se passe, c'est pas à chaque croisement de paquets, on va pas avoir juste un petit proton d'un paquet qui va rencontrer un autre petit proton d'un autre paquet, mais on en a, en fonction de la densité des paquets, on en a 20, là en ce moment on doit être à 60 ou 100, l'ordre de grandeur. Quand on montera au LHC haute luminosité, je crois qu'on attend ce qu'on appelle du pile-up, enfin le nombre de collisions de protons qui ont lieu simultanément, on attend un facteur 1000, enfin 1000 collisions simultanées. Donc il faut bien comprendre ça. Et quand on fait des croisements de d'ions plomb, là, je crois, vous me dites si je me plante, c'est 208 nucléons, c'est ça. Donc, 208 protons ou neutrons, extraordinairement denses, focalisés comme on fait avec nos faisceaux de protons. Et donc là, effectivement, ce qu'on obtient, c'est un plasma. C'est-à-dire que contrairement aux protons, on va regarder une soupe où les quarks et les gluons sont dans un temps infimement court, hein, mais qui nous suffit, parce qu'on est très fort, à étudier... parce qu'on a des appareils photo très rapides. C'est surtout ça, à étudier donc ce qu'on appelle cette soupe de quarks et de gluons. Oui. J'aimerais qu'on en vienne à ce projet de FCC, aux questions qui restent en suspens, et à ce qu'il peut nous promettre, en tout cas, justement, que ce soit dans de la précision ou dans la découverte de nouvelles particules. Aujourd'hui, Ursula Bassler, il n'est pas encore établi de savoir si ce FCC sera un accélérateur de leptons ou de hadrons. Est-ce que ce choix-là va être tranché rapidement? Est-ce que vous avez des informations à ce propos? Aujourd'hui, le projet FCC tel qu'il est discuté peut effectivement être de différentes natures. Le scénario, je pense, le plus souhaité par un grand nombre de physiciens, c'est qu'on fasse un peu comme on a fait entre le LEP et le LHC, c'est-à-dire d'abord un collisionneur de leptons qui va tourner pendant 10-15 ans, ce qui nous laisse encore effectivement le temps de développer tous les aimants, si possible, avec les matériaux supraconducteurs à haute température. Ce qu'on entendait tout à l'heure dans le reportage. Et ensuite, de installer vers 2055 la machine proton-proton. Mais maintenant, ce qui va être discuté maintenant, c'est bien sûr ce scénario, des scénarios alternatifs, mais aussi des machines alternatives, parce qu'effectivement, le CERN a aussi fait des études de design d'autres machines, notamment un collisionneur linéaire, le CLIC, ou des scénarios moins ambitieux, comme par exemple de doubler uniquement l'énergie du LHC actuellement. Parce que le FCC, ça permettrait de monter à quel type d'énergie par rapport à l'énergie nominale aujourd'hui de 14 TeV du LHC? L'espoir, c'est d'arriver à gagner un facteur 10, hein, ça serait l'idéal. Alors, monter à 100 TeV. La circonférence fait gagner un facteur 3 déjà, mais avec le développement des champs magnétiques. De 27 km à 100. Et ensuite, on espère avec les champs magnétiques avoir des champs magnétiques 3 fois plus intenses. Surtout si on arrive à passer au supraconducteur à haute température critique. Et donc viser un facteur 10. Donc un facteur 10, ça permet quand même d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'infiniment petit. Et donc peut-être, évidemment ce n'est pas garanti, mais une nouvelle fenêtre avec un facteur 10, peut-être découvrir de nouvelles particules, notamment celles de la matière noire, ou bien mieux comprendre, peut-être découvrir la théorie, les embryons de la théorie qui dépasseraient le modèle standard actuel qui marche si bien. Donc c'est ça l'espoir principal. Il démarrait effectivement avec des électrons, puis ensuite des protons. Sans doute il y aurait des collisions plomb-plomb aussi. Mm-hmm. Peut-être même des collisions électrons-protons ou électrons-plomb. Donc c'est un programme très ambitieux qui nous emmène jusqu'à la fin du siècle. C'est aussi un investissement colossal. On a une idée aujourd'hui de l'investissement que représenterait un tel équipement de 100 km de circonférence sur Ursula Bassler? Déjà, le coût pour creuser un tunnel de 100 km n'est pas négligeable. Il tourne autour de 5-6 milliards d'euros. Ensuite, une machine à électrons, il faut la comptabiliser entre 3 et 4 milliards. Et une machine à hadrons tourne dans les estimations actuellement autour des 15 milliards. Mais il est clair que ces investissements, ce n'est pas fait par un seul pays, ce n'est pas fait dans une année, mais c'est quelque chose qui s'étale vraiment sur des décennies également. Et l'idée du FCC, comme Michel l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est de faire une machine mondiale, c'est-à-dire d'avoir aussi des contributions importantes des autres régions du monde. Aujourd'hui, puisque le CERN est un équipement européen, aujourd'hui, il y a une volonté politique, géopolitique, de maintenir, comme je le disais tout à l'heure, le leadership européen en matière de physique des particules. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, concrètement, il faut que les 28 pays qui font partie de les 27, puisque 22 pays doivent participer, doivent voter à l'unanimité le déblocage de ces budgets pour lancer le FCC? Ce qui va se passer maintenant dans la stratégie, c'est tout d'abord de définir est-ce que scientifiquement, ce FCC, c'est notre priorité. Une fois que cette priorité est établie parmi d'autres, il y aura effectivement toutes les questions de comment on peut implémenter une telle machine, quelles sont les contributions des uns et des autres, et aussi quelles sont les contributions qu'on peut attirer au-delà de l'Europe, parce que la machine ne devrait pas être uniquement financée par l'Europe. Aujourd'hui, Nathalie Besson, il reste encore des obstacles technologiques sur ce FCC, pour pouvoir le construire, pour pouvoir le réaliser. Il reste encore des points d'interrogation, ou est-ce qu'on est sûr de posséder la technologie suffisante pour pouvoir le mettre en œuvre? C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le reportage, c'est-à-dire, et ce que vient de dire Michel Spiro aussi, c'est-à-dire que l'énergie qu'on peut atteindre pour un faisceau de particules, il est directement proportionnel au rayon. Donc là, ça dépend de est-ce qu'on sait creuser un tunnel, et bêtement, ça dépend de la géologie, où sont les montagnes, où sont les lacs, où est la molasse, le sable, etc. Donc on va faire le rayon le plus grand possible compte tenu de ce qui nous est donné. Et puis après, l'énergie du faisceau est directement proportionnelle aussi à la puissance qu'on peut exiger des aimants. Et là, tous les développements dont a parlé Hélène Felice tout à l'heure, c'est directement lié à ça. C'est-à-dire, et effectivement, comme le disait Michel, si on peut trouver des aimants, fabriquer des aimants avec ce qu'on appelle des supraconducteurs à haute température critique, alors là, c'est Noël. On vous a remis d'ailleurs sur le fil de l'émission, sur le fil Twitter de l'émission, l'émission que nous avions consacrée justement à la question des supraconducteurs. Tout ça a évidemment un coût technologique, ça a aussi un coût énergétique. Michel Spiro, le LHC, ça consomme beaucoup d'énergie. Est-ce qu'un FCC à 100 km, c'est une consommation d'énergie démesurée, ou est-ce que c'est une consommation d'énergie raisonnée? Je pense que ça va. Le fonctionnement du LHC et de l'ensemble des injecteurs au CERN est de l'ordre de 120 mégawatts, ce qui est encore possible d'atteindre. Le but, c'est de ne pas consommer beaucoup plus d'énergie pour le FCC. C'est pour ça qu'on vise des technologies supraconductrices, et sans doute qu'on transformera par la même occasion les machines injectrices, notamment la machine qui injecte dans le LHC, qui actuellement est une machine avec des aimants chauds, on la ferait passer à des aimants supraconducteurs pour consommer moins d'énergie. Donc je pense que la consommation d'énergie, on arrivera à la maîtriser dans une telle machine. Le coût, comme l'a dit Ursula, il est quand même à moyenner sur 60 ans d'efforts, et sur la planète entière. Et donc, normalement, on devrait pouvoir le faire à budget constant du CERN. L'idée n'est pas de faire exploser le budget du CERN pour construire cette machine-là. On devrait pouvoir rester, pour les États membres, à un budget pratiquement constant au cours des années qui suivront pendant longtemps, et avec une contribution accrue des pays hors CERN. Par rapport à ce qui avait été le cas du LHC. Donc c'est en étendant la contribution à d'autres pays qu'on espère pouvoir avoir les ressources nécessaires pour construire et faire fonctionner le FCC. Ursula Bassler. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas acquis. C'est-à-dire il faut encore convaincre tous les pays que c'était effectivement la bonne idée, le bon projet à faire, et d'y investir dedans. Et il y a aussi d'autres projets à travers le monde qui sont aussi en compétition avec les FCC. Et là aussi, ça va être une décision assez fondamentale pour l'Europe, si ils veulent rester à la frontière de cette recherche, ou bien si on se contente d'un autre rôle dans le monde. Ouais. Par exemple, quels autres pays? La Chine, entre autres? C'est notamment la Chine, oui, qui a proposé un projet concurrent, aussi avec un accélérateur qui fait 100 km, et dans un scénario très semblable au CERN. Bien sûr, on adore collaborer avec nos collègues chinois. C'est des collaborations très fructueuses, mais là, on se trouve aussi dans une situation là de compétition entre deux projets. Et c'est vraiment une décision fondamentale pour l'Europe s'ils veulent préserver les savoir-faire en technologie et scientifique qu'on a aujourd'hui. Nathalie Besson, une question aussi en matière de physique des particules. Il y a une sorte de graal un peu, pour mettre à mal ce modèle standard de la physique que l'on cherche. On l'a évoqué ici, ce serait un peu la porte d'entrée vers un nouveau modèle, ou en tout cas vers les limites de ce modèle, c'est celui de la supersymétrie. La supersymétrie, ça veut dire que dans un FCC de 100 km de diamètre, on arriverait à des niveaux d'énergie qui pourraient peut-être, on fait de la prospective évidemment, mais peut-être nous ouvrir les portes de ce modèle-là. Alors, premièrement, je ne suis pas spécialiste de supersymétrie, mais deuxièmement, très mauvaise nouvelle, ce modèle est presque mort. C'est-à-dire que les recherches au LHC ne donnent rigoureusement rien, au contraire, excluent de plus en plus de l'espace des phases permis par la supersymétrie. En revanche, la supersymétrie, je pense, parce qu'elle a le joli nom de Suzy quand on contracte tout ça, est connue de plein de gens, par le grand public en particulier, qui a entendu ce mot-là. Mais c'est loin d'être le seul modèle proposé. Et donc, on a de quoi faire. La nouveauté, là, dans le futur, dans les 100 prochaines années, on va dire, la nouveauté, c'est qu'on n'a pas vraiment de guide théorique pour nous dire lequel, parmi ces modèles, pourrait s'avérer prendre le relais du modèle standard. Mais en revanche, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes. Oui. Néanmoins, on dit que le LHC n'a pas mis. Enfin, on parle beaucoup, en tout cas, de la découverte du boson de Higgs. Il y a eu d'autres particules, notamment une particule, je ne sais pas du tout comment la prononcer, mais une particule avec deux quarks charms et un quark up qui a réussi à être, agrégée en quelque sorte. Ou découverte, comment est-ce qu'on peut dire ça, Nathalie Besson? Alors, je ne suis pas spécialiste, mais en fait, la production de cette particule est un processus très rare. Donc, il fallait la statistique du LHC et des machines dédiées. Je me demande si c'est pas au LHCb. C'est LHCb. Donc, il faut une machine un peu dédiée pour faire ce genre de recherche. LHCb a eu un programme de physique à l'IS aussi. Enfin, je veux dire, les quatre machines ont contribué à énormément de découvertes, mais surtout de mesures à très grande précision. Donc, effectivement, il y a eu ce genre d'état qui est très difficile à observer, donc d'agrégats de quarks, mais il y en a eu d'autres plus rigolos, par exemple ce qu'on appelle les pentaquarks, 4 quarks, un antiquark, qui ont été observés aussi. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites au LHC qu'on ne pouvait pas faire avec une machine à moins grande énergie. Ouais. Mais cette physique-là, elle reste encore dans le cadre du modèle standard. Absolument. Alors, un petit détail, au LHC, on fait des mesures. Comment je pourrais expliquer ça? Bon, c'est ce qu'on appelle l'universalité leptonique. Peu importe, il y a trois leptons, trois particules légères chargées. L'électron, que tout le monde connaît bien, qui a deux cousins plus lourds, le muon et le tauon. Et le modèle standard dit que ils doivent se comporter rigoureusement pareil, avec les mêmes taux de production, etc. Et il se trouve que dans les expériences qui font de ce qu'on appelle les expériences de saveur type LHCb, qui s'intéressent à des quarks, par exemple comme le quark B, depuis très longtemps, et toutes les manips voient des petits écarts. Alors, c'est des écarts dont on dit dans notre jargon qu'il est à 3 sigma. Pour nous, c'est pas significatif du tout. Ce qui commence à être rigolo, c'est que c'est toujours à 3 sigma depuis toutes ces années qu'on fait des mesures. Donc, c'est toujours un écart pas significatif. C'est la préférence muon, c'est ça? Je me trompe, non? C'est pas la préférence muon, c'est pas... Non. Non. C'est pas comme ça. Moi, ça me dit rien. Donc, peut-être parce que je suis pas spécialiste. Toujours est-il que là, ça pourrait être, par exemple, une porte qui nous dirait, ah, tiens, là, le modèle standard s'en sort pas si bien que ça. Donc, dans ce genre d'expérience, on pourrait voir des choses. Ouais. Michel Pierrot sur... Oui, c'est vrai que pour l'instant, c'est autour de LHCb et les différences de comportement entre les électrons et les muons dans la désintégration des quarks B qu'il semble y avoir quelque chose qui colle pas. Mais on attend de savoir si c'est confirmé ou pas. Mais c'est vrai qu'on est à l'affût de déviations de la théorie actuelle qui prédit pour l'instant presque tout. Et ces déviations, à ce moment-là, seraient un guide pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir ouvrir cette porte au-delà du modèle standard et qui pourrait être une des motivations principales pour le SCC. Ursula Bassler, pour conclure. Mais maintenant, il faut aussi penser que le boson de Higgs est quand même une découverte fondamentale et qu'on est loin de connaître les propriétés exactes de ce boson de Higgs. Il peut vraiment être un portail aussi vers quelque chose de nouveau. Le rôle du boson de Higgs dans la cosmologie, dans la compréhension de l'histoire et de l'évolution de l'univers est loin d'être élucidé. Et je pense qu'il est important de continuer à creuser tout ce qu'on peut savoir sur le boson de Higgs dans les années à venir. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler du présent et du futur du CERN et de ses accélérateurs de particules. Merci Ursula Bassler, merci Nathalie Besson, merci Michel Spiro et merci Giuliano Giacalone. Je vous rappelle que comme tous les mercredis, vous pouvez retrouver le podcast Les Idées Claires sur votre application de podcast favori, mais aussi sur les réseaux sociaux de France Culture et France Info. Aujourd'hui, nous interrogeons, compte tenu de l'actualité, sur la question de la police. Et la police est-elle au-dessus des lois? La réponse, c'est sur ces petites vidéos que vous pouvez trouver sur vos réseaux sociaux favoris. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve-Étienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Éléonore Pérez, Céline Lozen, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, nous allons d'une certaine façon prolonger un peu notre conversation, puisque ça sera encore question du modèle standard, mais pour poser d'autres questions, pour proposer des modèles alternatifs à la gravitation quantique. Quelles autres solutions ont été envisagées par la physique? On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.